Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Patrimoine en lumière, la chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise. Et ce mois-ci, on met le focus sur une nouveauté qui va dynamiser nos balades amboisiennes, l'inauguration du tout nouveau parcours des œuvres d'art dans l'espace public. Cette inauguration est prévue le 13 décembre, un itinéraire pensé pour faire dialoguer patrimoine, création artistique et cadre de vie. Et pour en parler, on accueille comme chaque mois notre ami Guillaume Métayer, responsable patrimoine de la ville d'Amboise. Guillaume, bonjour. Bonjour Marlène. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient l'idée de créer un parcours des œuvres d'art en plein air et pourquoi est-ce qu'on parle justement d'un parcours ? Alors, c'est une idée de l'équipe municipale actuelle, en fait, partant du principe qu'il y a de très nombreuses œuvres visibles dans l'espace public à Amboise, il y en a une vingtaine, et seulement trois disposées d'un cartel avec des explications plus ou moins sommaires. Donc, ça fait partie des œuvres les plus connues. Il y a le Léonard de Vinci sur l'île d'Or, en face du château, le mobile de Calder et la fontaine de Max Ernst. Mais toutes les autres œuvres ne disposaient d'aucune information. Et en fait, toutes ces œuvres, elles sont disséminées dans l'espace public du nord au sud. Et en les reliant, finalement, on a un parcours qui traverse la ville avec cette thématique des œuvres d'art. Alors, on va bien sûr parler du contenu de ce parcours. Concrètement, il y a à peu près combien d'œuvres globalement qui constituent ce parcours dont, je le rappelle, l'inauguration aura lieu le 13 décembre. Alors, il y a une vingtaine d'œuvres. Chacune aura un pupitre, sachant que pour certains pupitres, on ne parlera pas d'une œuvre précisément, mais d'un artiste, par exemple Olivier Debré, puisqu'on n'a pas d'œuvre d'Olivier Debré dehors. Mais sinon, on aura donc 20 pupitres à terme. Donc, certains pupitres seront installés plus tard après des réaménagements de voirie, mais la plupart sont déjà installés. Alors, Guillaume, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces œuvres dans l'espace public ? Est-ce que ça s'est fait en une seule fois ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évolutif ? Alors ça a été évolutif, c'est assez lié à l'histoire d'Amboise, donc il y a des œuvres plutôt anciennes, jusqu'au milieu du XXe siècle, sont principalement des œuvres religieuses ou mémorielles. Donc la plus ancienne œuvre dont on ait connaissance dans l'espace public, par exemple, c'est la Vierge du Beffroi, qui maintenant est au musée d'art et d'histoire d'Amboise. Puis ensuite, dans la première partie du XXe siècle, on a les monuments aux morts. Ensuite, on a une deuxième période qui correspond au mandat de Michel Debré, avec une volonté de faire venir énormément d'œuvres pour les mettre dans l'espace public. Et donc c'est à cette époque que le Calder, que la fontaine de Max Ernst et un certain nombre d'autres œuvres soient installées dans l'espace public. Et puis ensuite, on a des œuvres qui sont arrivées régulièrement jusqu'à cette année finalement, que ce soit des dons ou des dépôts, voire des achats de la ville. Alors, tu en as cité quelques-unes. Est-ce que tu peux nous lister, justement, les œuvres qui sont concernées par ce parcours ? Alors, sur la vingtaine d'œuvres, la plupart datent du XXe siècle, et certaines sont du XXIe siècle, mais on n'a pas d'œuvres plus anciennes. Et donc, la plupart arrivent à partir des années 60-70, mais elles peuvent être plus anciennes. Par exemple, on a sur l'île d'Or une statue en marbre qui représente un diadumène qui date de 1938. La statue de Jean Fouquet dans la cour du musée qui était sur la place Richelieu et qui a été déplacée date de 1931. Donc c'est des œuvres qui étaient en fait dans les dépôts de l'État et qui ont été envoyées à Amboise à la demande de Michel Debré. Mais on a aussi des œuvres qui sont achetées par l'État exprès pour être installées à Amboise. C'est le cas du mobile de Calder ou de la fontaine de Max Ernst. Donc deux artistes étrangers, donc Calder qui est américain et Max Ernst qui est d'origine allemande, naturalisé américain, puis qui obtient la naturalisation française dans ces années 1960. Et donc en remerciement de cette naturalisation, il offre à l'État et à la ville d'Amboise le dessin de cette fontaine, donc pour remercier la France de lui avoir accordé la nationalité française. Ça fait partie des œuvres les plus importantes de la ville d'Amboise, puisque Max Ernst, c'est un artiste très célèbre, et cette œuvre, elle est assez unique dans sa production. Il a fait beaucoup de choses, des peintures, des dessins, des gravures, des petites sculptures. En fait, les espèces de créatures qu'on retrouve sur la fontaine, il les avait créées individuellement en tant que sculpture unique, et c'est la première fois qu'il va les rassembler dans une composition globale. Donc c'est une œuvre assez impressionnante à l'échelle de ce que Max Ernst a pu faire dans sa carrière. Et c'est vrai que c'est à la fois une œuvre qui est très connue des Amboisiens, mais qui est aussi très visible de par son emplacement. Donc on va voir aussi que dans tout ce que vous proposez, il y a des choses qui sont un petit peu moins visibles et connues du public local. Tout à fait, il y a des œuvres devant lesquelles on peut passer tous les jours sans imaginer que c'est une œuvre d'un artiste qui peut être plus ou moins connu. et d'autres par contre qui sont un peu moins visibles. Par exemple, il y a une œuvre d'une artiste vietnamienne, c'est la seule œuvre d'une femme artiste dans ce parcours, qui a été créée dans les années 1965 et qui représente une mère et enfant. Et donc cette œuvre, elle est visible à l'hôpital d'Amboise, en fait, elle est à l'arrière, du côté de l'ancienne entrée, puisqu'elle était du côté de la maternité. C'est une œuvre qui sera déplacée pour être rendue un petit peu plus visible, mais qui est d'ores et déjà intégrée à ce parcours. Ok. Alors, il y a également les œuvres du 1% artistique qui ne sont pas forcément visibles. Du quoi ? Le 1% artistique. Tiens donc. Alors, c'est quoi ? Le 1% artistique, c'est un principe qui a été décidé en 1951, qui était initialement réservé aux établissements scolaires. Et le principe, c'était de réserver 1% du budget de construction d'un établissement à la réalisation d'une œuvre d'art contemporain qui était intégrée au projet architectural. D'accord. Pour rendre l'art accessible à tous dès le plus jeune âge. Donc on a plusieurs œuvres qui ont été réalisées dans ce contexte, notamment une œuvre d'Olivier Debré pour l'école Georges Sand qui est maintenant dans le hall de la mairie. Mais sinon, les principales œuvres, elles sont au lycée, puisqu'on est, on est vraiment dans l'âge d'or du 1% artistique. Et donc on a dans le réfectoire deux grandes toiles d'Olivier Debré et devant l'ancienne entrée du lycée une grande sculpture en acier qui est l'œuvre d'Albert Ferraud. Et donc ça va être l'occasion de la découvrir même pour les lycéens qui doivent passer devant sans savoir que c'est une œuvre d'art. D'ailleurs, il y a de ça de nombreuses années en arrière, le Calder était au niveau des collèges. C'est ça, parce que l'idée initiale c'était de disséminer ces œuvres dans tous les quartiers de la ville. Et donc là, dans les années 60, on est en plein dans la création de cette cité scolaire. Et donc, il fallait mettre de l'art, y compris dans ce quartier de la ville. Donc, il y a d'autres œuvres qui avaient été placées à Malétrennes, à la Verrerie. Certaines ont été déplacées. Mais voilà, l'objectif, c'était vraiment de mettre de l'art dans tous les quartiers de la ville. Ce qui est une belle idée. C'est assez étonnant parce que c'est une idée qu'on pourrait penser plutôt communiste ou plutôt de gauche. Mais non, là, c'est Michel Debré qui portait cette idée de mettre de l'art partout à Amboise. Est-ce parce que Olivier était artiste ? Il y a peut-être des liens. Il y a un lien sûr, c'est celui de la famille. Alors pour continuer dans cette liste de nombreuses œuvres visibles à Amboise, il y en a une qui a été restaurée cette année, qui se trouve sur l'île d'Or, sur la pointe occidentale, juste en face des Tic et Tap. Donc qui est un monument aux morts qui a été créé en 1972 en béton par un architecte et un sculpteur. Et cette œuvre, elle bénéficie d'un statut particulier puisque c'est la seule œuvre à Amboise à bénéficier du label Architecture Contemporaine Remarquable. Donc c'est un label du ministère de la Culture qui met en valeur des créations contemporaines remarquables, contemporaines dans le sens qui ont moins de 100 ans. Finalement, c'est la deuxième œuvre, parce que la première, c'était la fontaine de Max Ernst, lorsque ce label s'appelait encore label 20e siècle. Sauf que bah, finalement, on est arrivé au 21e siècle, donc il ne pouvait plus s'appeler 20e siècle si on parlait d'œuvres du 21e siècle. Et donc, ce projet a été modifié, et donc ça concerne toutes les œuvres qui ont moins de 100 ans. Donc la fontaine Max Ernst, elle ne bénéficie plus de ce label, puisqu'elle est protégée au titre des monuments historiques. Et donc, à partir du moment où une œuvre est monument historique, elle ne peut pas cumuler avec le label architecture contemporaine remarquable. Donc la fontaine Max Ernst, c'était la première, mais les monuments historiques, et donc maintenant la seule, c'est le monument aux morts de l'île d'Or, qui pour le moment n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Mais qui pourrait le mériter, parce que c'est une œuvre vraiment intéressante. On est vraiment à la limite entre l'architecture et la sculpture. L'architecte Michel Marot, c'est aussi l'architecte du quartier de la Verrerie, donc c'est un architecte assez original, assez créatif, hein, qui a été prix de Rome en 1954. Donc qui travaille avec Henri-Paul de Ric, qui a été prix de Rome en 1952, originaire du nord de la France. Et donc, ils vont créer ce monument qui avait pour objectif de réunir tous les monuments de toutes les guerres jusqu'à cette époque. Et bon, finalement, on ne sait pas trop pourquoi, ça dure quelques années, puis on revient au monument aux morts de la Première Guerre mondiale et on abandonne un petit peu ce monument. Donc, plus aucune cérémonie n'a lieu dans ce monument. Et c'est auprès de ce monument, le 13 décembre, à 11h, qu'aura lieu l'inauguration du parcours des œuvres. Donc, c'est assez symbolique, puisque c'est une œuvre qui vient d'être restaurée, qui est labellisée, donc voilà, c'est l'occasion de la mettre en valeur. Et je me souviens que dans une précédente chronique Patrimoine en Lumière, tu nous avais dit que c'était un monument coup de cœur pour toi. Oui, c'est un monument vraiment intéressant, avec une jolie lumière, de jolies vues sur la Loire. Voilà, un monument à ne pas rater dans le parcours, et donc maintenant, vous allez avoir, auprès de ce monument, toutes les explications sur son histoire. Très bien. Alors, dans les autres œuvres devant lesquelles vous pouvez passer sans vous en rendre compte, il y a le Richelieu de la place Richelieu, qui auparavant était en face du Jean Fouquet, ce qui n'était pas forcément cohérent en termes d'époque et d'histoire. Oui. Donc, ce Richelieu fait partie des œuvres les plus anciennes, puisqu'il date de 1904. Il a été déposé par la ville de Paris en 1974. Donc, du point de vue du statut des œuvres, c'est assez varié. Il y a les dépôts du Centre National des Arts Plastiques, donc ce qui correspond à l'administration de l'État chargée des œuvres d'art. C'est des œuvres généralement qui sont commandées par l'État et déposées, la fontaine Max Ernst, le Calder. Et d'autres, donc, sont des dépôts de la ville de Paris. Donc, la ville de Paris a un stock assez important d'œuvres d'art. Et bon, Michel Debré, ayant de bonnes relations, a pu savoir quelles œuvres étaient disponibles et pouvaient être déposées à Amboise. Donc, c'est des œuvres qui peuvent être plus anciennes, voilà, qui, pour le coup, l'œuvre était remisée dans les dépôts de la ville de Paris, il n'y avait pas vraiment d'utilité. Donc, en 1972, Michel Debré a renommé la place qui s'appelait Place du Commerce en Place Richelieu. Et donc, bah, 2 ans plus tard, il avait réussi à trouver une statue de Richelieu et c'est parfait, on va la mettre sur la place Richelieu. Et à partir du moment où ces œuvres d'art, elles sont dans le parc municipal, j'ai envie de dire, elles sont entretenues par la municipalité? Oui, tout à fait. Les dépôts sont entretenus par les dépositaires. Donc, on peut être aidé par les propriétaires des œuvres. Donc, par exemple, pour le monument aux morts de Deurigue sur l'île d'Or, le Centre national des arts plastiques a participé à la restauration. Et on a également bénéficié du soutien de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français avec un mécénat de Michelin. Donc, les salariés de Michelin avaient voté pour des œuvres et ils avaient choisi ce monument, ainsi que le diadumène de la mare sur le stade de l'île d'Or. Donc, finalement, c'est une restauration qui avait quasiment rien coûté à la ville d'Amboise. Et donc là, prochainement, on va avoir d'autres petites restaurations. Bah, typiquement, le Richelieu de la place Richelieu qui n'a jamais été restauré depuis son installation. Donc voilà, c'est des restaurations qui sont prises en charge par la ville d'Amboise. Ok. C'est passionnant tout ça, Guillaume. Est-ce qu'on continue de lister? Est-ce qu'on ferait pas une petite pause en musique? Est-ce que ce serait pas le moment? Allez, on écoute les Vampas sur Radioactive et juste après, et d'ailleurs, Vampas qui ont jonché le sol de l'île d'Or à plusieurs reprises dans le cadre du festival Les Courants. Eh bien, Guillaume, on se retrouve tout de suite après pour que tu continues de nous lister toutes ces belles œuvres d'art qui vont être à découvrir dans ce parcours. À tout de suite! C'était l'instant péchu musical avec les Vampas sur Radioactive. De retour dans cette chronique Patrimoine en Lumière, la chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise. Toujours en présence de Guillaume Métayer, responsable patrimoine de la ville d'Amboise. Guillaume qui aujourd'hui nous parle du parcours des œuvres d'art dans l'espace public, dont l'inauguration aura lieu ce 13 décembre. Un itinéraire qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir les œuvres d'art qui sont présentes dans votre ville. Et donc, Guillaume, tu avais commencé à nous lister ces œuvres d'art. Eh bien, on t'écoute, on est impatients de découvrir la suite. Alors, je ne fais pas une liste complète. Exhaustive, ouais. Toutes les œuvres seront à découvrir. Elles sont finalement déjà à découvrir, puisqu'elles sont déjà dans l'espace public. Donc, les œuvres bénéficieront d'un pupitre avec un cartel et des explications. Et en parallèle, il y a une application de visite dont on a déjà parlé, qui est déjà en ligne, qui s'appelle WeVisit. Oui. Et donc, sur WeVisit, vous avez déjà le parcours complet, avec même des œuvres supplémentaires qui ne bénéficieront pas d'un pupitre. Donc, il y a des petites explications en plus sur le parcours. Par exemple, une œuvre qui se trouve à la gare, en fait, que personne ne remarque, même que moi le premier, je n'avais jamais remarqué. Ah bon, où ça ? Sur le quai, juste en face de la gare. Vous traversez l'intérieur de la gare, vous arrivez sur le quai, juste en face, vous avez cette œuvre qui s'appelle Fleurs au jardin de la France, qui date de 1975. Donc, c'est une œuvre en acier d'un artiste totalement inconnu, qui en fait était. On sait juste qu'il s'appelle R. Doucet, on ne connaît pas son prénom. Roger, René. Robert. Voilà. Donc il était chef du bureau d'architecture de la SNCF à Tours. Il avait étudié à l'École des Beaux-Arts, mais on lui connaît juste cette œuvre pour le moment, puisqu'elle en fait, elle est mentionnée dans le magazine municipal au moment de son inauguration. Donc, cette fleur au jardin de la France, elle est assemblée dans les ateliers de l'entreprise Barafrère à Saint-Aignan-sur-Cher. Et c'est intéressant parce qu'on a d'autres œuvres en acier dans ce parcours qui datent des années 70. Donc on voit l'utilisation de nouveaux matériaux pour de nouvelles formes d'art dans ces mêmes années. Mais là, ça fait un moment que cette fleur est liée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été mise pour le parcours. Ah non, là, toutes les œuvres existent déjà. Donc, certaines ont été déplacées, mais pas forcément pour la cohérence du parcours, plutôt pour les mettre davantage en valeur. Mais non, là, cette œuvre, elle est là depuis 1975. Et effectivement, là, je ne la visualise pas. Donc voilà, ça va être l'occasion d'aller à la gare et de faire le parcours complet du nord au sud. Ok. Il y a un sens de visite à ce parcours ? Non, vous pouvez même le prendre à mi-parcours, le faire en plusieurs fois, parce que finalement, il n'y a pas de cohérence chronologique. Les œuvres, il y a une cohérence géographique, puisqu'on suit assez logiquement le parcours dans un sens ou dans l'autre en traversant la ville. Mais il n'y a pas de zone avec des œuvres qui datent de la même époque. Non, tout est mélangé, donc c'est ce qui est intéressant. D'un point à l'autre du parcours, on voit des choses très variées. C'est vraiment un panorama de l'histoire de l'art moderne et contemporain, finalement. Ok. Alors, il y a une petite exception du point de vue de cette géographie, c'est le monument à la France libérée qui se trouve sur le rond-point du Leclerc. Donc là, c'est une petite excroissance du parcours, parce que sinon, on suit vraiment le parcours, les œuvres se succèdent du bout des ponts jusqu'au stade des Cinq Tourangeaux. Là, du coup, on est plutôt du côté de la Verrerie. Donc, ce monument, il est quasiment à son emplacement d'origine. C'est un dépôt de la ville de Paris, c'est le dernier dépôt de la ville de Paris réalisé à la demande de Michel Debré en 1983. C'est une œuvre de Raymond Couvaigne, donc, qui est un artiste qui a été réputé dans la première moitié du XXe siècle. C'est lui notamment qui a réalisé le groupe en bronze doré qui est au sommet du bâtiment de la Voie du Nord à Lille. Si vous connaissez, il y a un groupe sculpté doré. Donc, c'est une œuvre de Raymond Couvaigne. Donc, le monument qu'on peut voir à Amboise, ce monument à la France libérée, il a été commandé par la ville de Paris à la Libération et il devait être érigé porte d'Orléans. Puis en fait, finalement, ça s'est jamais fait. Et donc, la partie frontale de la sculpture est envoyée à Amboise en 1983. Donc, elle représente une femme qui semble prendre son envol en se libérant de ses chaînes. Donc, on a des formes qui peuvent évoquer un petit peu l'art déco, même si on est quand même la Deuxième Guerre mondiale. Celle-là, je la visualise très bien, curieusement. Voilà, donc, elle a été restaurée en 2024. Et donc, là, elle est bien blanche, bien éclairée de la nuit aussi. Oui, celle-là, c'est pareil. De par son emplacement, on est nombreux à l'identifier. Elle est quand même très, très visible. Et voilà, maintenant, grâce au cartel, aux explications, vous allez pouvoir tout savoir sur cette œuvre, qu'est-ce qu'elle représente, pourquoi est-elle ici. Et puis donc, on a un petit trou chronologique entre 1983 et 1996. Et depuis 1996, depuis la fin des années 90, on a de nouvelles œuvres qui sont installées dans l'espace public. Mais pour le coup, ce ne sont plus des dépôts du Centre National des Arts Plastiques ou de la Ville de Paris. On est plus sur soit des achats de la ville, soit des dons. Donc par exemple, sur le rond-point de l'île d'Or, il y a des anneaux olympiques, des formes qui évoquent les anneaux olympiques. Donc, le vrai nom de cette œuvre, c'est « Transfiguration de l'esprit sportif et olympique ». Donc c'est une œuvre d'Alexandre Robert Rigaud, donc, qui est aussi un sculpteur du nord de la France, qui va commencer sa carrière comme styliste en carrosserie automobile, qui va dessiner des prototypes de voitures de sport, et puis finalement il va s'orienter vers la création d'œuvres en métal poli. C'est le cas de cette œuvre qu'il a offert à la ville d'Amboise, puisque dans les années 90 il vivait entre Paris et Amboise, il appréciait beaucoup la ville, et donc il a décidé de faire don d'une de ses œuvres à la ville d'Amboise, avec la condition qu'elle soit implantée sur le rond-point situé à l'entrée des activités sportives de l'île d'Or. Donc c'est très précis, une demande très précise. Le souhait a été respecté. puisque donc c'est une œuvre qui était en lien avec, avec le sport, puisqu'on évoquait les anneaux olympiques. La même année, on a une commande de la ville d'Amboise pour le cimetière des Ursulines, qui est le mémorial de l'Aurès, qui est inauguré en 1997. Donc là aussi, on parlait du monument aux morts de l'île d'Or, qui est à la limite entre sculpture et architecture. Mm-hmm. Là aussi, le mémorial de l'Aurès, c'est l'œuvre d'un architecte d'ailleurs, Jean-Yves Barrier, qui est toujours vivant. Et donc, on est presque plus sûr de l'architecture que sûr de la sculpture. Donc c'est un monument englobant, on rentre à l'intérieur et on a le sable jaune qui évoque le sable du Sahara. On a la pierre en tuffeau et l'ardoise qui évoque la Touraine. Donc le mémorial de l'Aurès, il évoque donc l'Aurès d'abord, qui est une région en partie montagneuse du nord-est de l'Algérie. Et donc dans cette région, il y a un village qui s'appelle Arris, qui est jumelé avec le département d'Indre-et-Loire pendant la colonisation française. Donc entre 1914 et 1962, 398 Aurésiens meurent au champ d'honneur pour la France. Et après 1962, plusieurs familles de Harkis s'installent à Château-Renaud. Et donc on a l'association mémoriale de l'Aurès, qui est basée à Amboise, qui va être à l'initiative de la création de ce monument. Jean-Yves Barrier, il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages d'art sur le tracé de la ligne TGV Atlantique, notamment le pont sur la Loire, qui fait des choses très variées lui aussi. Et c'est aussi un pionnier de l'habitat bioclimatique. Mmh. Alors, localement, on le connaît aussi pour la médiathèque de Saint-Pierre-des-Corps en 1993, qui a des formes assez originales aussi. Ah oui. Alors, on a des points qui vont aussi valoriser des figures locales, notamment Fernand Martin Dumagny. Ah oui. Et donc, au garage, elle arrivera plus tard, on aura un panneau pour parler à la fois de l'histoire du garage et donc des nombreuses créations de Fernand. Et puis donc, on a, depuis quelques années, plusieurs œuvres qui sont visibles dans l'espace public. Donc depuis 2019, il y a les deux Gigi de Fred Chabot sur la promenade de la Loire. Juste à côté, le passage Abdelkader de Michel Audiard, qui date de 2021. Mmh. Au bout des ponts, inauguré également en 2021, on a la Tour d'Or Blanc de Jean-Michel Autoniel. On a des artistes assez variés, qui peuvent être à la fois plus artisans, et d'autres des artistes très renommés, parce que Autoniel est une figure très célèbre qui peut dialoguer avec Calder et Maxime, qui sont les autres célébrités qu'on peut voir à Amboise. Et enfin, donc, depuis cette année, on a une autre œuvre qui a été déposée par son créateur à la ville d'Amboise. Donc, c'est ni un don, ni un achat de la ville, c'est un dépôt, qui s'appelle Brume de Loire par Achel Berger. Achel Berger décrit cette sculpture comme une brume matinale sur la Loire, étrangère et souveraine, telle une sentinelle qui a jeté son voile de brume dans le paysage ligérien. Oui, là encore, elle est facile à identifier, celle-ci. Voilà, elle est entre les deux ponts sur l'île d'Or. Achel Berger, il est installé Amboise, donc c'est un autre artiste amboisien qui décide d'enjoliver l'environnement amboisien avec une de ses œuvres. Mais alors là, si on a des artistes amboisiens qui nous écoutent et qui se disent « Moi, j'ai une superbe sculpture, je vais leur donner, et comme ça, elle va être exposée aussi, c'est possible ça? Comment ça marche ?» Alors évidemment, toutes les œuvres d'art ne peuvent pas être installées dans l'espace public, puisque il faut qu'elles puissent être exposées dehors, qu'elles ne s'abîment pas trop vite. Et puis bon, il y a des questions de sécurité aussi qui peuvent se poser, donc des œuvres de petite dimension pourront plus difficilement être placées dans l'espace public. Mais voilà, ce parcours, il pourra évoluer, et les œuvres présentes dans l'espace public à Amboise ne sont pas figées, elles peuvent encore se déplacer, elles sont restaurées régulièrement, et d'autres peuvent arriver aussi ponctuellement. Très bien. Donc l'inauguration de ce parcours des œuvres d'art dans l'espace public, il aura lieu le 13 décembre. C'est à quelle heure et qu'est-ce qui se passe? Alors il aura lieu à 11h, auprès du monument aux morts de l'île d'Or, donc sur la pointe occidentale de l'île. Donc ce sera une cérémonie officielle, à la fois pour inaugurer le parcours et pour inaugurer finalement la restauration et la labellisation du monument aux morts de l'île d'Or. Très bien. J'imagine qu'évidemment c'est gratuit et qu'on peut tous s'y rendre sans aucune difficulté. Tout à fait. Eh bien ce parcours, Guillaume, il promet de renouveler le regard qu'on porte sur la ville. Tu vois, j'ai encore découvert des choses aujourd'hui. Ça va donc mêler le patrimoine, la création et puis aussi l'envie de déambuler dans sa ville. Merci beaucoup pour tous tes éclairages et toutes les informations que tu nous as données, encore bien précieuses aujourd'hui dans cette chronique. Rendez-vous donc le 13 décembre pour découvrir ses œuvres. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique Patrimoine en lumière. La chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise. Merci Guillaume. Merci, à bientôt. Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville.